au fond de vos estomacs. Regardez les qui observent ma chute avec le sourire des charognards. Les syndicats sont le ciré lourde comme le poids de la création. Nous sommes des mecs animés par l'instinct et les côtes placés en ouvrant les yeux de puissance. Et un goût prononcé pour le sang des autres. Je tombe. Les mains qui me retiennent sont pleines de graisse animale. Des éléments de métal saillant et tranchant garnissent les bords du panopticon. Je tombe et me transforme en pièce de chair sanglante. Je vais puiser dans le passé de la pourriture et de la moisissure dont je n'ai pas besoin. Dont je n'ai pas besoin. Ouvert comme la gueule d'un requin. Au terme de ma chute, tu leur ouvriras les portes pour qu'ils se ruent sur ma carcasse et qu'ainsi je survive à travers eux. À leur insu, je serai comme toi. Je serai comme toi. Je serai comme toi.